où on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye. Tu veux me tester, t'es pleine de coque, tu serres les fesses. C'est pas de ma faute, je suis dans les tests, j'ai trop la cote, j'ai qu'une mère. Je me dis comme Westar, je me dis mon frère, j'ai le sang, je suis là pour toi, je les nique tous, j'ai plein de blèmes, toi je stresse, faut que tu cesses, après tu tournes ta veste. Je me dis comme Westar, après tu tournes ta veste. Je me dis comme Westar. On tombe, on fait mal, personne nous ramasse. À deux doigts de voir la tasse, on les fait comme un chien de la casse. On est en bombe, allez bouge, fais de la place. Depuis quand tu fais le mic, depuis quand tu prends le mic, depuis quand tu on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac. T'es pas chauffé, y'a le people, hein, j'm'en tape de ta petite folle, hein. Poursuite par choc qui me colle, c'est ma trappe rock, c'est coup de ma drague qui me sonne, hein. Voilà, j'ai pas d'idole, hein. Voilà, j'ai pas de diplôme, hein. Laisse-moi que je picole, que je trouve ma vie encore plus drôle, hein. Dans plus position qu'à part, on veut ce que t'as pas. On casse la boîte à caca, tu vas ramper jusqu'à ton papa. J'comprends pas, tu fais le gros, elle est où ta Bugatti. J'comprends pas, keep the pain, tu fais tout le temps celui qu'a dit, hein. Ils croient qu'ils nous atteignent, on s'en tape tant qu'on nous gâquille. Un qui se montre, un qui s'affiche, allons tout ça fait la dite, hein. On tombe, on fait mal, personne nous ramasse. À deux doigts de voir la tasse, on y baisse comme un chien de la casse. On est en bombe, allez bouge les mains de la place. Depuis quand tu me fais le mic, depuis quand tu prends le mic, depuis quand tu on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse. On nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on met tout dans le sac. On tombe, on fait mal, personne nous ramasse. À deux doigts devant la tasse, on les fait comme un chien de la casse. On est en pompe, allez bouge et fais de la place. Depuis quand tu me fais le mic, depuis quand tu prends le mic, depuis quand tu on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout dans le sac, bye bye, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout, on se casse, on nique tout dans le sac.